Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Aymar. Dai 17 wa. Tout le monde a besoin d'un lieu où revenir. Il est encore temps, peut-être. Tout ça suit un développement fort étrange. C'était assez bizarre depuis le début, mais là, ça dépasse l'entendement. Et je me disais que si ce courant existait vraiment, je voulais me laisser porter vers le lieu où il m'entraînait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la direction du courant? Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. XVIIe épisode. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas la moindre chance d'en trouver une car tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps et le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien ça, n'est-ce pas ? C'est bien ça, n'est-ce pas ? Je suis devant la gare de Takamatsu. Je regarde la foule pressée s'y engouffrer ou en sortir. Tous ces gens ont un endroit où aller. Moi aussi, je pourrais prendre un train et m'en aller. Je pourrais tout laisser tomber ici et partir vers une ville inconnue pour tout recommencer à zéro. Rien ne m'oblige à rester ici. Je suis libre, 100% libre. Mais tu sais bien que tu ne peux plus partir nulle part. Dit le garçon nommé Corbeau. Tu as fait l'amour avec Mademoiselle Saiki. Et chaque fois, elle t'a accueilli. Tu penses aussi à la bibliothèque. Tu penses à Oshima, à ta chambre, à la jeune fille de 15 ans qui vient la nuit regarder le tableau Kafka au bord de la mer. Et tu secoues la tête. Non, tu ne peux plus partir d'ici. Tu n'es pas libre. Mais as-tu vraiment envie de l'être ? Bonjour, Mademoiselle Saiki. Voici votre café. Assieds-toi, Kafka. Oshima-san m'a dit que tu étais allé au gymnase. Quel genre d'exercice fais-tu là-bas ? De la musculation avec des machines. Un sport plutôt solitaire, non ? Pour pouvoir survivre seul, il fallait que je devienne plus fort que n'importe qui. Tu veux devenir fort, c'est ça ? Il faut être fort pour survivre. Spécialement dans mon cas. Tu dois devenir le garçon de 15 ans le plus endurci du monde, quoi qu'il arrive. Il faut que je sois fort. Comme un corbeau égaré. C'est pour ça que j'ai choisi le nom de Kafka. Ça signifie corbeau en tchèque, vous savez ? Alors tu es un corbeau solitaire. C'est exact. Mademoiselle Saiki, vous vous souvenez de mon hypothèse ? Bien sûr. Vous avez vécu avec mon père, vous m'avez mis au monde, et vous êtes parti en m'abandonnant. Mais c'est ton hypothèse, pas la mienne. Moi je n'y ai aucune responsabilité, n'est-ce pas ? Exactement. C'est celui qui a établi l'hypothèse qui doit prouver qu'elle est vraie. À ce propos, j'ai une question. Vous m'avez dit un jour qu'autrefois, vous avez écrit un livre sur des gens frappés par la foudre. C'est exact. Quand mon père était jeune, il travaillait comme caddie dans un club de golf. Et il a été frappé par la foudre. Il s'en est sorti de justesse. La personne qui se trouvait avec lui est morte. Beaucoup de gens meurent frappés par la foudre sur des terrains de golf. Ton père s'appelait Tamura, comme toi, n'est-ce pas ? Oui. Et je pense que vous avez à peu près le même âge que lui. Aucune des personnes que j'ai interviewées ne s'appelait Tamura. C'est une partie de ton hypothèse. Tu penses que ton père et moi avons pu nous rencontrer lors de mon enquête pour ce livre et que tu serais né de cette rencontre ? Oui. Voilà qui met fait à ton hypothèse. Ta théorie ne tient plus. C'est pas sûr. Je crois pas forcément tout ce que vous me dites. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, Vous avez répondu tout de suite, sans réfléchir, que vous n'aviez interrogé personne du nom de Tamura. Mais c'était il y a plus de 20 ans, et vous avez interviewé beaucoup de gens. Alors comment pouvez-vous en être si sûr ? Dis, papy. Finalement, après tous les efforts qu'on a faits pour retourner cette lourde pierre et ouvrir cette fameuse entrée, ne s'est rien passé de spécial. On a vu apparaître ni crapaud, ni génie, ni rien d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu as, mon Dieu ? T'es tout pâle ? Comment tu te sens ? Excusez-moi, mais Nakata est un peu fatigué. Je ne me sens pas très bien. Si vous permettez, Nakata va s'allonger et dormir un peu. D'accord. Allonge-toi et dors autant que tu voudras. Mais tu es sûr que ça va ? Tu veux que j'appelle un médecin ? Je n'ai pas besoin de médecin, monsieur Oshino. Si je m'allonge et que je dors un moment, ça ira sûrement mieux. Hé, hey, Nakata, tu vas dormir longtemps cette fois encore ? Du genre 36 heures d'affilée ? Je suis désolé, mais Nakata n'en sait rien. Il ne décide pas à l'avance combien de temps il va dormir. Bon, c'est pas grave. Ne t'en fais pas. Tu as eu une journée chargée. Il y a eu tous ces coups de tonnerre, tu as parlé avec la pierre. On a ouvert l'entrée de je ne sais trop quoi. Ça n'arrive pas tous les jours. Et puis tu as beaucoup réfléchi aujourd'hui, ça a dû te fatiguer. Allez, dors tranquille. Je ne vous remercierai jamais assez. Je me serais senti complètement perdu sans vous, monsieur Oshino. Et je crois que vous avez un travail aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, papy, le ciel ne va pas me tomber sur la tête parce que je prends un peu de vacances. Mais au fait, papy, incroyable ce qui peut s'endormir vite. Tu sais, Kafka, je sens que les choses commencent à changer autour de moi. Quelles choses ? Je ne sais pas comment le dire, mais je le sais. La pression de l'air, les bruits et leurs échos, les reflets de la lumière, les mouvements des gens autour de moi, le temps qui s'écoule, tout change peu à peu. De minuscules changements. Comme des gouttes qui se rassemblent pour former un courant. Peut-être que ce qui s'est passé cette nuit avec toi, dans ta chambre, fait partie de ce courant. Et je me disais que si ce courant existait vraiment, je voulais me laisser porter vers le lieu où il m'entraînait. À mon avis, vous essayez de rattraper le temps perdu. Peut-être. Mais comment le sais-tu ? Parce que je fais la même chose. Beaucoup de choses m'ont été volées depuis mon enfance. Il faut que je les récupère maintenant, sans plus tarder. Pour pouvoir continuer à vivre ? C'est une nécessité pour moi. Tout le monde a besoin d'un lieu où revenir. Et il est encore temps, peut-être. Pour vous comme pour moi. Qui es-tu ? Pourquoi comprends-tu si bien tant de choses ? Et tu lui réponds... Qui je suis ? Vous devriez le savoir, mademoiselle Saiki. Je suis Kafka sur le rivage. Je suis votre amant. Et je suis votre fils. Je suis le garçon nommé Corbeau. Vous et moi ? Nous ne sommes plus libres désormais. Nous sommes au cœur d'un grand tourbillon. Nous sommes entraînés hors du temps. Nous avons été frappés par la foudre. Une foudre invisible et silencieuse. Cette nuit-là, vous faites de nouveau l'amour. Tu entends qu'en elle, le vide se comble. Ça fait un bruit léger. Comme le sable fin du rivage qui s'effondre sous la lumière de la lune. Tu retiens ton souffle et tu tends l'oreille pour mieux percevoir ce bruit. Tu es à l'intérieur de ton hypothèse, tu es à l'extérieur de ton hypothèse. La lune se lève, la marée monte, l'eau de l'océan s'écoule vers les fleurs. Tu la serres contre toi, elle enfouit son visage dans ta poitrine. Tu sens son souffle tiède sur ton torse nu. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens autre chose. Tu es ailleurs. Tu fais pas la chambre, monsieur ? Non, mon compagnon doit se reposer. De toute façon, même si vous essayez de le réveiller, vous n'y arriverez pas. Je me sens vraiment épuisé, moi. Normal. Après avoir soulevé un truc aussi lourd. Le vieux a de la chance, en ce moment il roupille lui. Pas mal pour de la musique classique. J'ai vraiment l'impression que ma vie n'a pas de substance. Nakata prétend qu'il est vide. Bon. Mais moi alors, qu'est-ce que je suis ? Si Nakata est vide, moi je suis plus que vide. Lui au moins il a quelque chose en lui. Quelque chose qui m'a donné envie de le suivre jusque dans le Shikoku. Il a quelque chose de spécial. Quoi ? J'en sais rien. Mais bon. Un autre café, patron, s'il vous plaît. Votre café vous a plu ? Oui, il était délicieux. La musique ne vous gêne pas ? La musique ? Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Qui est-ce qui joue ? C'est le trio Rubinstein Heifetz Feuermann. On les appelait le Million Dollar Trio. Certains préfèrent des versions plus structurées, plus classiques du trio à l'Archiduc. Moi, je trouve que celui-là est bien. Il est, comment dire, il est doux. Merci beaucoup. Bon, pour le moment, Nakata a besoin de moi. Je lis à sa place, et c'est aussi moi qui ai trouvé la pierre. Ça fait du bien de se sentir utile. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. J'ai l'impression d'être au bon endroit. Je me pose pas la question de savoir qui je suis aux côtés de Nakata. Enfant, je prenais chaque jour comme il venait. J'étais quelqu'un. Mais la vie m'a réduit à n'être personne. Et peut-être que désormais, plus je vivrai, plus je deviendrai vide. Moins j'aurai de valeur. Il y a eu une erreur quelque part. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la direction du cours ? Et je me disais que si ce courant existait vraiment, je voulais me laisser porter vers le lieu où il m'entraînait. Hé, monsieur, comment elle s'appelle déjà votre musique ? C'est le trio à l'Archiduc, pour piano, violon et violoncelle de Beethoven. Trio avec duc. Ah non, l'archiduc. Beethoven avait dédié ce morceau à l'archiduc Rudolf d'Autriche, qui fut son élève, et qui l'a soutenu aux yeux de tous, mais aussi dans l'ombre. Sans Rudolf, la carrière de Beethoven aurait connu des moments bien difficiles. On a toujours besoin de quelqu'un comme ça dans la vie. Tout à fait. Je vais rester avec Nakata le plus longtemps possible. Au diable boulot. Où va-t-on, Oshima-san ? Au même endroit que la dernière fois. La montagne près de Kochi ? Ouais. Encore un long trajet. Quel est le problème, au juste ? Pourquoi on a dû partir si vite ? Pour commencer, la police te recherche. Ils m'ont téléphoné la nuit dernière et cette fois-ci, ils te recherchent très activement. Mais j'ai un alibi, non ? Bien sûr, tu as un alibi imparable. Tu étais dans le Shikoku le soir du meurtre. Mais il reste la possibilité que tu aies eu un complice. Un complice ? D'où ils ont sorti une idée pareille ? Pour résumer, voilà ce que j'ai appris. La police recherche un homme d'une soixantaine d'années. Il s'agirait d'un handicapé mental léger qui vit seul, grâce à une subvention des services sociaux. Seulement voilà, il a disparu de son domicile. Il paraîtrait qu'il est parti en stop pour le Shikoku. Il était accompagné d'un jeune homme d'environ 25 ans. Tous deux sont descendus devant la gare de Tokushima, puis ils auraient pris un train en direction de Takamatsu. Les déplacements de ce type semblent suivre les tiens. Vous êtes tous les deux partis de Nogata, arrondissement de Nakano, pour arriver à Takamatsu. Ça paraît trop curieux pour être une simple coïncidence. Il y a trop de coïncidences. Les choses commencent à se précipiter et tout converge vers le même lieu. Alors naturellement, la police soupçonne que vous auriez prémédité ensemble le meurtre de ton père. Un vieil handicapé mental qui vivait à Nakano ? Ça te dit quelque chose ? Rien du tout. D'après son adresse, il habitait pas loin de chez toi. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait ce type qui aurait provoqué la pluie de maquereaux et de sardines de Nogata. En tout cas, la veille, il l'avait prédit aux policiers auxquels il venait d'avouer le crime. Incroyable. Eh oui. Et le même jour, il y a eu une averse de sangsue sur une aire d'autoroute entre Tokyo et Nagoya. On l'a lu dans le journal, tu t'en souviens ? Bien sûr. Et du coup, la police a établi une corrélation entre ces différents événements et ce mystérieux vieillard. Tout ça suit un développement fort étrange. C'était assez bizarre depuis le début, mais là, ça dépasse l'entendement. Impossible de prévoir ce qui va arriver ensuite. Et une chose est sûre, les événements semblent se rapprocher de plus en plus. Ton chemin et celui de ce vieil homme vont sûrement se croiser quelque part non loin d'ici. Inutile de faire le lit. Mais c'est pas mauvais de dormir si longtemps. Ça va, il va pas en mourir. Il récupère, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je le connais bien. Oshima-san ? Oui ? J'ai jamais prémédité d'assassiner mon père. Si j'avais voulu le tuer, j'aurais pas demandé à quelqu'un de le faire à ma place. Je sais. Tout à l'heure, vous avez dit, pour commencer, la police te recherche. Ça suppose qu'il y a une autre raison à mon départ. Et il s'agit de Mademoiselle Saiki. Tu couches avec elle, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, je ne te juge pas. Une femme merveilleuse, pleine de charme, elle est spéciale pour toutes sortes de raisons. Elle est beaucoup plus âgée que toi, c'est sûr. Mais la question n'est pas là. Elle a envie de faire l'amour avec toi, qu'elle le fasse. Si vous êtes bien, alors ça me va. Mais il vaut mieux que vous preniez un peu de distance tous les deux. Et je ne dis pas ça à cause de ce qui s'est passé à Nakano. Pourquoi alors ? Elle est dans une situation très délicate en ce moment. Une situation très délicate ? Mademoiselle Saiki, pour faire bref, elle est en train de mourir. Je le sais, ça fait longtemps que je le sens. Elle va mourir ? Vous voulez dire que... elle a une maladie incurable? Peut-être... peut-être pas. Mais... je pense plutôt à un mal-être psychologique qui aurait davantage à voir avec le désir de vivre. Elle aurait perdu le désir de vivre? Oui. Elle a perdu le désir de continuer à vivre. Je ne cherche pas à mourir, à vrai dire. J'attends simplement la mort. Elle va vers la mort, doucement, mais sûrement. Comme si j'étais assise sur un banc dans une gare et que j'attendais un train. Comme un train se dirige vers une gare? Peut-être. Et puis, Kafka Tamura, tu es arrivé frais comme un concombre, mystérieux comme le véritable Kafka. Vous avez été attirés l'un par l'autre et vous avez, si tu me permets cette expression désuète, engagé une relation. Et puis? Et puis c'est tout. Non. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que ce train, c'est moi. C'est ce que je pense en effet. Mais je ne te le reproche pas, loin de là. Je pense même que c'est bien. Oshima-san. Qu'y a-t-il? Je sais vraiment plus ce que je dois faire. Je sais plus où je vais. Je sais plus ce qui est juste, ce qui l'est pas. Est-ce que je dois avancer ou revenir en arrière? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. C'est bien pour ça que je t'emmène à la montagne. Mais qu'est-ce que je ferai une fois là-bas? Tu n'auras qu'à écouter le vent. Tu as fait ce que tu devais faire, et ça avait du sens pour toi et pour elle. Il faut lui laisser le soin de décider de la suite. Pour l'instant, tu ne peux rien pour elle. Tu dois aller dans la montagne. Le moment est venu de faire ce que tu as à faire. De faire ce que j'ai à faire? Tendre l'oreille, Kafka Tamura. Tendre l'oreille. Immobile et attentif, comme si tu étais une palourde. Kafka sur le rivage. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Heyman. 17e épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka, Arthur Ribot, le garçon nommé Corbeau, Axel Boguslavski, Nakata, Anne Alvaro, Mademoiselle Saeki, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plume Coquemèche, Oshima, et les voix de Philippe Magnan, Jean-Gabriel Nortman, Nadine Berland. Musique originale et piano, Denis Chouillet, clarinette, Fabrice Villard, percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Rodin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.